Cette semaine, on parle de photos de chat, d'une photo de 195 gigapixels, et on parle de photos argentiques avec Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 136. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de Christian Jarry. Salut Stéphane. Salut de Maxime Soriol. Oh yeah. Et de Sylvain Grandmaison. Hello. Bonjour. Et deuxième visite, deuxième apparition à l'émission, Sylvain. Ben oui, mais merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Ben écoute, ça avait été fort agréable lors de ton premier passage. Puis, je sais pas, je sentais un peu de nostalgie de faire du podcasting. Fait que je me suis dit, peut-être si je l'invite de nouveau, il va accepter. T'sais. Ouais, ça me donne un petit coup de pied dans le cul pour rebrancher mon micro puis repartir un peu. Ouais, ça fait du bien. Bon, parfait. Ben, bienvenue. Puis bon début d'année. Quoique oui. Là, on est rendu déjà. Le mois de février commence au moment de la publication. Donc, ça va vite déjà. On va faire notre petit tour de table habituel, puis on va justement, si tu veux te prêter à l'exercice, on va parler de ce qu'on a fait côté photo depuis le dernier épisode. Je vais commencer dans l'ordre habituel. Tiens, Christian, qu'est-ce que tu as fait, toi? Ben, tu as déjà cassé le punch. Ah non! Oh. Fais peut-être des photos de chat. T'as fait des photos de chat? Ah, c'est toi qui as fait ça! Eh oui! je rentrerai pas dans les détails, mais je me suis fait soudoyer par quatre personnes vivant sous le même toit que moi pour avoir un chat. Ben, ça n'a pas été très dur, mais j'ai mis des termes très, très, très spécifiques. Très strict. Très strict. Oui, okay. Genre, je ne change aucune litière cette fois-ci. Mm-hmm. C'était clair, net et précis. Et je l'ai dit. Au nombre de fois que je l'ai dit, je pense que ça a rentré cette fois-ci. Oui, c'est ça. Cette fois-ci me laisse, me fait comprendre que tu t'es fait avoir au moins une fois par le passé. Oui. Je suis gentil, j'ai dit au moins. Oui, c'est gentil, c'est bien, t'as bien fait ça. Mais bref, il est vraiment trop mignon et trognon, alors j'ai sorti l'appareil photo pour prendre des photos. Mais il reste en place, oui? Oui, il est encore un peu... surtout la première journée, on s'entend que... C'est un chaton de 7 semaines. Là. Oh oui. Fait que on s'entend qu'il était un peu terrorisé quand on l'a amené à la maison. Là, maintenant, il commence à être plus à l'aise, là, mais... Alors, j'ai pris quelques photos récemment, puis tout ça, mais j'ai pris vraiment une photo que je trouve particulièrement jolie, puis c'était avec mon objectif 35 mm 1.4, puis si vous voyez la photo, on voit, j'étais tellement proche de lui qu'on voit même le reflet de l'objectif dans ses yeux. Ah oui, c'est fait cool. Que, ça fait vraiment beau, je trouve, il y a des beaux petits yeux gris, fait que tu sais, en tout cas, bref, la photo, il était dans un, on y a acheté comme une... Ma blonde, on s'était débarrassé de tout le stock qu'on avait des chats auparavant. Fait qu'elle y a acheté, elle s'est dit cette fois-là, il démolira pas mes divans. Il a acheté un arbre à chat. Un condo à chat. C'est définitivement ça. Puis ma blonde, en cherchant sur Internet, sur Kijiji, elle en a trouvé un qui valait 180-200$. On a payé 40. Fait que c'était heureux. Puis là, il était caché dans son petit trou. Puis là, c'est ça, j'ai réussi à rentrer juste un peu l'appareil photo pour prendre la photo. Puis elle n'est pas parfaite, je me suis rendu compte. T'sais, faut, à un moment donné, il faut laisser aller aussi, hein, à un certain point, parce que ça a été pris à main levée. Un, c'est un chat, il bouge quand même un petit peu. Deux, pas de luminosité. Puis trois, t'étais ouvert au complet. Voilà. Fait que, tu sais, je te dirais qu'elle n'est pas 100% nette. Elle pourrait être une petite affaire plus nette que ça. Ça serait... Honnêtement, c'est pas grave. Là. Ben non. C'est vraiment pas grave. Puis je trouve que le résultat est quand même beau, c'est charmant. Puis tu sais, on voit bien. Bref, t'es tombé en amour. Puis ça a pris plus que ça pour tomber en amour. Vous risquez d'en voir quelques-unes autres aussi ça. Ben, il est assez photogénique, il se laisse assez faire. Là, fait que ça risque d'arriver quelques autres fois. Ben aussi. Moi, j'en connais une. J'en connais une qui était très heureuse de voir une photo de chat sur ton Instagram ou ton fil Facebook. Les deux. Là, puis d'ailleurs, c'était pas la seule parce que. Je te dirais que sur ma page Facebook, c'est la photo qui a été le plus likée depuis je ne me rappelle pas combien de temps. Vraiment d'aplomb à part ça, j'ai vraiment ri. C'est ce qu'Émilie me dit toujours. Des photos de filles, des photos de chats, si tu veux des likes, c'est mais oui, malheureusement, je ne suis ni une fille ni un chat, fait que je dois me contenter d'une centaine de likes. Toi, Maxime, qu'est-ce que tu as fait depuis le dernier épisode? Mais juste avant, je me fous un peu des animaux à part la porno-zoophile. Non. À part l'œuf. Non. À part l'œuf. Non. Non. Mais non, mais juste, tu n'as pas dit le nom de ton chat? Ah oui, comment il s'appelle? Link. Ou c'est trop... Link. Link. Ah ben oui, geek. Nice. En fait, c'est appelé Chester le temps que ma blonde elle pose sur internet pour que les enfants disent non, ça va être Link, puis ça a été ça. Okay. On a fait OK, on va tout le temps se faire appeler. C'est que ça devait être les deux, si on avait déterminé l'un puis appelé l'autre, mais bref, c'est Link. Bon, oui, je suis un geek. Tout le temps appelé Zelda, donc. C'est un gars. Oui, parce qu'ils vont se tromper. Non, c'est un gars. Aïe, aïe, aïe. Faut savoir, c'est classique, s'il vous plaît. Mais bon. C'est comme battu le. Étant sur Internet très souvent, tu l'as sûrement déjà vu, tu as la photo de Link féminine, puis c'est marqué « Et si Zelda était une fille? » Là, t'es comme j'ai de quoi t'expliquer, mais en tout cas, bref. Bon, Maxime, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ça fait quand même assez longtemps. C'est quand même en décembre, avec le temps des fêtes, les enregistrements, etc., je n'en avais pas encore parlé. C'est un témoignage que j'avais reçu sur Instagram. Généralement, les messages que j'ai sur Instagram, c'est... on ne peut pas le savoir. Ah non, c'est ça. Non, mais Instagram, c'est plus des live streaming d'escorte prostituées, ou des affaires du genre, ou quelques réactions aux stories. Mais une fille de 15 ans qui m'a écrit, dernièrement, qui disait qu'elle faisait... Je me reconnaissais beaucoup dans elle, mais qu'elle passait beaucoup à travers beaucoup de boudures. Elle faisait beaucoup d'anxiété, avait très peu de confiance en elle, avait pas beaucoup d'amis, et ainsi de suite. Puis que dernièrement, elle avait découvert la photo. Puis qu'elle s'était beaucoup réfugiée dans la photo pour nécessairement fuir un peu ses mots, en quelque sorte, fuir le monde, et ainsi de suite. Puis qu'elle s'est découvert de plus en plus une passion pour ça. Puis une des raisons pourquoi qu'elle écrivait. Moi, je me sens un peu mal intéressé exactement, c'est qu'elle disait que grâce à des photographes comme toi, ça me donne l'inspiration, puis ça m'aide à, en quelque sorte à pousser dans la photo, à aller plus loin, puis à pouvoir... Ben, j'espère que tu as été ému là, de lire ça. Ah non, non. Tu te sens mal pour ça? Non, je me sens mal de dire qu'elle s'inspirait et tout, sauf que... Non. Et l'humilité de Maxime. Sérieux, là? C'est ça. Mais il a peur de se qualifier de photographe. Maxime, il a une démarche artistique et il a peur de se qualifier de photographe. Mais non, on arrête, on a parlé... Faut assumer. Oui, assume. On arrête, on a parlé déjà dans résolution de 2019, Maxime. Assume. Assume. Mes collègues aussi, ils sont au travail aussi en même temps. Bien sûr, mais... Donc, en tout cas, elle écrit, elle a beaucoup d'affaires par rapport à ça, ainsi de suite. Puis, elle me reconnaissait beaucoup dedans parce que moi-même encore aujourd'hui, je suis quand même assez renfermé, ainsi de suite. Donc, au secondaire, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas grande confiance, ainsi de suite. Donc, tu as trouvé une façon beaucoup de t'exprimer, d'exprimer un peu ton côté artistique ou ta vision de la ville et de la vie avec la photo, j'imagine, parce que tu as une vision là, que tu transmets dans tes photos. Fait que c'est pour ça que quand tu dis « je suis pas photographe », oui. Quand tu réussis à raconter une histoire ou à transmettre ta vision, tu es photographe. Plus que bien d'autres qui ont de l'équipement ou peu importe qu'est-ce qu'ils font. Là. Je l'ai dit, je le répète, c'est pas la première fois que je le dis, mais ma cousine avait pris des cours de photo au Collège Marsan, puis elle me disait, il y a un gars qui, lui, était équipé, là, tu sais, les objectifs dispendieux. Il y avait le 5D Mark II. Quelque chose dans ce style-là, exactement. Ouais. T'es super gros équipé. Puis tu sais, c'était comme, oh, regarde, tu sais, moi j'ai de gros équipements, mais elle dit, c'est photo. C'est ça. Voilà rien. Il était plate, il était ennuyeuse, il n'y avait rien d'intéressant. Puis même le prof essayait d'être gentil avec lui en lui disant, tu sais, essaye. Il ne comprenait pas parce que pour lui, c'était juste ça. Toi, c'est... Tu sais le côté visuel, tu es capable de trouver des points de vue. Même moi, des fois, je regarde tes photos et je suis comme, comment t'as pensé à faire ça? Les erreurs. Tu prends le temps. Peut-être, mais c'est pas grave. Mais t'as une idée. Exact, c'est ça. T'as peut-être un essai-erreur, puis pour le résultat final. Mais en partant, ton idée est là, pareil. C'est là que je trouve que tu as Attendez, on a un prof en graphisme et un artiste aussi, là, au bout du fil, au bout du tuyau. qu'est-ce que t'en penses, toi? Quelqu'un, justement, qui a une démarche, un processus créatif, ça peut pas faire autrement qu'être un photographe, là, je veux dire. Oui, puis c'est même plus important que connaître la technique, hein. Ben oui. C'est sûr. Moi, ça m'est arrivé, bon, à différents moments au fil de ma vie, de ma carrière aussi de prof, de voir du monde qui ont de l'équipement incroyable, qui connaissent tout, qui réussissent des photos techniquement bien exécutées, mais c'est plate. Puis même des fois des professionnels, hein, moi je nommerai pas le nom du photographe parce que bon, c'est un photographe connu et commercial, mais mon Dieu, qui faisait des photos plates. On travaillait avec lui au Cirque du Soleil à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait une des premières caméras qui faisait plus que 40 mégapixels à Montréal, tu sais, caméra qui coûtait, c'est un dos numérique qui coûtait 40 000 piastres à peu près, quelque chose comme ça. Mais mon Dieu, que ces photos étaient plates, là, tu sais. L'éclairage était bon, neutre, tu sais. Il n'y avait pas de personnalité. Fait que c'est pas tout, là, de savoir techniquement réaliser les choses. Mais non, c'est quand ça. Quand on a une vision, une émotion qu'on transmet par la photo, c'est toujours mieux. Bon, puis c'est ça, même, je veux dire, moi, ça a pris beaucoup de temps aussi avant que, tu sais, je mette le mot photographe en quelque part, parce que je me disais, je suis pris dans le carcan de l'aspect technique. Je développe pas assez ma vision. Puis encore là, je découvre, puis on dirait que tout se fait, puis je le réalise comme juste par après. Comme là, j'avais eu une grosse passe noir et blanc que j'ai encore, mais j'ai réalisé que ça fait comme 2 ans que je fais beaucoup, beaucoup de noir et blanc. Ben OK, j'y vais plus avec mon instinct qu'avec « Ah là, je vais mettre ça à f2.8 pour pouvoir... » Faut vraiment se débarrasser de cette espèce de boulet-là technique parce que ça empêche la créativité. Tu sais, le plus important, c'est d'avoir ton idée, ton scénario, ton plan de match avant de faire ta photo, l'histoire que tu veux raconter ou la vision que tu veux transmettre. Puis après, si ta photo, tu ne réussis pas à l'exécuter du premier coup pendant les premiers essais, là, tu te dis peut-être que là, l'aspect technique, je vais peut-être essayer d'autres affaires, mais c'est dur de changer ses habitudes ou ses réflexes, de dire « Ah là, j'ai telle règle à respecter, puis ci, puis ça. » En tout cas. Mais c'est pour ça, moi, je considère que quand tu dis « tu as de la difficulté à dire photographe », non, au contraire, tu l'es plus que moi, en tout cas, à certains égards, tu sais, parce que tu as une démarche artistique ou créative plus forte que la mienne, là, puis j'ai pas peur de le dire. Tu sais, je travaille là-dessus, puis pas travailler dans le sens « appliquer des trucs », je travaille à laisser aller des choses, tu sais, des espèces d'habitudes, tu sais, qui sont parfois nuisibles ou, tu sais, pas malsaines, mais qui sont nuisibles, carrément. Enfin. Et toi, Sylvain, qu'est-ce que tu as fait récemment côté photo? Est-ce que tu as eu un petit projet intéressant depuis qu'on s'est parlé? Ou? Ben, en fait, il y a deux choses juste avant Noël en argentique. En fait, moi, je suis rendu un peu... dans mon entourage, le père des appareils photo isolés. en fait, mon cousin avait deux vieilles caméras Brownie de Kodak, des années à peu près 20-30, je dirais, qui étaient probablement les caméras familiales de chez ma mère. Et ben, lui, il avait ça. Mon oncle est décédé. Lui, il ne savait pas quoi faire avec ça. Puis, il n'est pas vraiment photographe. Mon cousin, c'était plus le dada de son père. Fait qu'il m'a donné ça. Et il y en a une qui prend du film 2.25, donc du 120 d'office, mais c'est la plus cheap qui donne peut-être un moins bon résultat. Il y en a une autre, un petit peu meilleure qualité, qui prenait du film, je me rappelle plus, en tout cas le numéro, je pense que c'est du 127, quelque chose comme ça. Quelque chose qui ne se fait plus, sauf qu'en mettant deux washers chaque côté de la bobine, ça tient en place puis ça prend les photos. Évidemment, il manque une couple de millimètres chaque côté, ce qui fait que quand tu prends ta photo, ben, l'image se rend pas mal jusque sur le bord de la pellicule, par-dessus les numéros. Ah oui. Bref. Oui, puis c'est un appareil, cet appareil Brownie-là. La proportion de l'image, c'est que l'image est comme à peu près 2 fois plus large qu'elle est haute. Ah oui, OK. Intéressant. Oui, c'est ça. Donc, ça donne une image qui est à peu près le format d'un écran de iPhone, pour te donner une idée. Attends, t'as un ratio de 18 par 9, qui est très à la mode ces temps-ci chez Samsung et Google et compagnie. Oui. Fait que, tu sais, là, en ce moment, c'est ça. Ça donnait à peu près 6 cm par 12-13 cm de large comme image. Fait que, avec un rouleau, d'habitude, bon, si tu fais des images carrées, tu as une douzaine d'images. Mais là, avec ça, j'avais 5 images. Oh! Ouais, donc 5 images sur un rouleau. Puis je suis parti avec ça. Mais c'est une journée chouette. Il y avait un petit peu de brume, tout ça. Fait que j'ai pris mes 5 images à différents endroits, près de la rivière ici. En m'en allant, j'ai arrêté sur le bord de l'autoroute. Il y avait un train qui s'en venait à basse vitesse, fait que j'avais eu le temps de le capter. Mont-Saint-Hilaire, tout ça, donc 5 images, le fun. Mm-hmm. Puis avec un gros négatif comme ça, même si l'objectif n'a pas tant de précision, ben le négatif est tellement gros qu'il y a toujours du détail à aller chercher. OK. J'ai fait ça, j'expérimente beaucoup. Donc, le jour du solstice, juste avant Noël, le 21-22, je pense, il y avait beaucoup de brume. Puis, il y a un endroit que je passe tout le temps pour me rendre à l'autoroute. Il y a un champ avec un grand arbre qui est là. Et j'avais ma caméra avec moi, avec du film dedans. Puis, je suis arrêté. Je me suis garé sur le bord de la route. J'ai embarqué dans le champ. J'ai pris des photos. J'ai pris une photo avec... Ben, peut-être 2-3 photos avec mon iPhone, mais le reste, j'ai tout pris en argentique. Et le film que j'ai utilisé, ben, c'est du film Kodalith qui servait dans le domaine de l'imprimerie avant. Donc, un film qui est très, très, très contrasté, qui était fait juste pour reproduire du blanc et du noir. Sauf qu'en utilisant le bon révélateur, tout ça, tu vas chercher une gamme de gris et une tonalité particulière, très contrastée. Et en plus de ça, ben, étant donné que c'était fait pour la reproduction, le grain est extrêmement, extrêmement fin. Pour donner une idée, là, c'est du 12 ISO. Oh boy! Ouais. 12 donc, ISO. Ah bon, ouais, 12 ISO. Donc, j'ai été obligé de faire... j'étais ouvert au max. Je pense que l'objectif que j'avais, c'était un 1.7. Et j'étais à 1/30 de seconde pour réussir à avoir assez de lumière en plein jour. OK. Yeah boy, hein? Et oui. Mais ça a donné quand même des résultats intéressants. Mm-hmm. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait en argentique. Sinon, le lendemain de Noël, après avoir fêté Noël chez ma soeur à Québec, on a pris le traversier à Lévis et il y avait... vraiment une belle ambiance, la lumière derrière les nuages, c'était fantastique avec la glace sur le fleuve. Donc, j'ai pris quelques clichés là en numérique, c'est vraiment magique. Ah, cool. Très intéressant. Ben, toi? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Je sais pas, tu me pointes du doigt sans poser de questions. Oui, mais toi, c'est très radiophonique. Je pense qu'il va falloir trouver un nouvel animateur. Oui. Ici où? Moi, non, ben c'est parce que je ne considérais pas que j'étais photographe. Non, c'est pas... Ah bon, ça y est, on est dans une petite pensée IMO, là. Non, en fait, ça commence mal l'année, mais j'ai pas fait vraiment de photos depuis le dernier épisode. Oh, mais, on dit comme toujours le froid. Mais j'en ai profité pour réorganiser un peu mes trucs. Je me suis installé un nouveau disque SSD dans mon PC de 1 Tera. Que j'ai payé pas très cher. J'espère, parce que, Puis, non, il était juste 100 quelques dollars. Là, c'était pour un SSD. Il doit être très, très performant, ça doit être juste ça. Non, il est... Pas seulement? Oui, il est très bon. Mon Dieu. Puis un Kingston, puis bonne performance. Il y avait un bon rabais, puis les prix baissent constamment sur les SSD. Oui, je sais bien, mais d'habitude, c'est parce que, généralement, si tu veux quand même quelque chose relativement assez rapide... Mm. J'ai vu la différence. Puis c'est ça, j'en ai profité pour réorganiser mon Lightroom. Là, j'ai mis ma librairie sur ce disque-là. J'ai fait un ménage. J'ai refait mon catalogue, ma librairie et compagnie. Puis là, j'ai tout réorganisé mes photos. Mais là, ça impliquait, parce que je manquais d'espace sur un autre disque, de libérer de l'espace avant de pouvoir copier des trucs. Uh-huh. Et j'ai passé une journée, presque une journée et demie à temps perdu, mais quand même. À tout réorganiser mes disques parce que j'ai deux serveurs, deux NAS. Mm-hmm. Puis j'en ai un qui a un 6 Teraoctets, mais qui est à peu près plein parce que ça contient toutes mes photos depuis 2009, toutes mes RAW, mes JPEG, les vidéos. Il est presque plein. Il me reste peut-être 300 gigas dessus. Puis j'en ai un autre qui est à presque 15 Tera. Lui, c'est comme mon dépotoir à fichiers, là, si on veut. Mais dépotoir. En tout cas, non, je comprends ce que ça veut dire. Mon dépôt à fichiers. Puis, c'est juste que le terme n'était pas super... Non, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a vraiment de tout. Mm-hmm. Il y a vraiment tous les vieux fichiers que j'ai pu garder au fil des ans. Donc, pas seulement que des photos. Oui, ben si c'est comme moi, il y a quelques fois où tu as pris juste le contenu de la carte de mémoire, tu l'as sacré dessus puis tu n'as pas checké ça pendant X nombre d'années. C'est à peu près ça pour, mm-hmm. dans certains cas. Mais il y a aussi d'autres vieux fichiers. Il y a mes fichiers de musique, MP3. J'avais tout numérisé ma collection de CD à l'époque, etc. Fait que j'ai vraiment... Toutes mes données sont là-dessus, mais il me reste beaucoup d'espace. J'ai peut-être 7 téra disponibles, là, quelque chose comme ça. Ça devrait être correct. Ça devrait aller hein, pour quelques années. Je pense que oui. Fait que... mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que j'en ai profité. Puis au dernier épisode, je vous en ai parlé un peu. J'ai remis en place ma tente à photos de produits. Mm-hmm. Là, j'ai acheté un panneau à DEL que j'ai pas encore eu l'occasion vraiment d'essayer parce que, bon, avec le retour travail, retour en classe pour les enfants, etc., ça, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais je prévois justement l'utiliser éventuellement, ce petit panneau à DEL. Parce que c'est intéressant, d'ailleurs, j'en ai pas parlé en détail, mais c'est un panneau dont on peut contrôler l'intensité avec un gradateur. J'allais dire québécois, un dimmer. Ben, c'est ça, un gradateur. Mais il y a aussi une lumière plus jaune, plus chaude, et une lumière plus froide. J'allais justement te poser la question, parce que c'est souvent le gros défaut de ce qui est tout des LED. C'est souvent la lumière, elle est LED. Oui, je savais. Tu la voyais venir, là, sais. Mais c'est vrai que dans l'épisode, on a promis en quelque sorte un record des jeux de mots. On l'a pas promis, mais. Non, mais on n'a pas encore. Les hostilités sont lancées. Exactement. Mais bref, non, mais pour ça, j'en ai un. Je m'en suis acheté une petite lumière comme ça pour quand je faisais des vidéos ou des choses comme ça. Puis. Il faut que je me trouve juste il y a heureusement une petite fenêtre que je peux mettre à l'avant, puis je peux coller un fil de couleur, puis je veux trouver un juste orangé, ça va faire le travail. Tu sais, c'est ça, parce que la personne qui m'a inspiré l'achat de ce panneau-là, Laurent Biot, que je salue, lui s'en sert pour mettre sous ses modèles à coller, ses modèles réduits, puis parce que lui, il fait beaucoup de Gundam, mm-hmm. là, des petits modèles réduits de robots japonais. Il en parlait aux Mystérieux Étonnants. Mm-hmm. qu'on salue aussi, nos amis des Mystérieux. Et lui, il s'en sert beaucoup pour éclairer, donc, comme planche sur sa table à photographier. Mais c'est un panneau à DEL, donc tu peux le mettre n'importe quoi, là, finalement. C'est un panneau d'à peu près 30 par 30 cm. Même un peu plus que 33, 35, pas plus en tout cas. Pas plus que 35 par 35, je dirais. En tout cas, à peu près. C'est donc très facile à transporter à la limite, en quelque part. Il y a un fil électrique quand même assez long donc pour se brancher. Puis avec le gradateur, c'est super intéressant parce que justement, tu peux décider de ton intensité lumineuse. Puis là, ben voilà, j'ai juste hâte de m'en servir vraiment pour un premier projet. Là, mais... Puis t'as trouvé ça où, si c'est pas indiqué? Je mettrai le lien dans les notes. Oui, j'aimerais parce que moi aussi, je suis quand même intéressé. C'est à peu près 85$. C'est pas ce que je m'attendais. Okay. Expédié, là, mais quand même. C'est pas donné. Je pense que lui, en France, ça lui a coûté comme 35 ou 45 €. Donc, c'est un peu plus cher ici. Mais je l'ai eu en 3 jours, comme je disais. Je m'attendais à ce que ça prenne des semaines, là, mais ça a pris 3 jours. Fait que quand même, pas déçu de mon achat. Après l'avoir essayé aussi, je trouvais ça vraiment intéressant. Je savais même pas qu'il y avait les deux couleurs, les deux températures, si tu veux. Donc, c'était un bonus en plus. Moi, je m'attendais juste à... OK, ça va être un panneau qui illumine, puis... Je sens que Max, il veut relancer, là. Non, je veux juste dire que mec, t'en es un, tu essaieras avec Link de le mettre dessus, voir. Ça pourrait être une nouvelle façon de photo de chat, là. Ouais. Un chat éclairé. J'en vois sur Amazon, moi, ça pourrait être intéressant. Je vois, Probablement sur Amazon ou eBay. J'en ai deux pour 100 pièces. Ah, bon. Ouais, mais regarde les dimensions. Ouais, je vais vérifier. Parce qu'il y en a des 20 cm ou 22 cm, sont plus petits. Deux par aussi, deux pieds, Je vais regarder ça, mais c'est parce que ça m'intéresse parce que, comme je te disais, c'est il faut que je trouve une tente comme toi parce que ça serait génial. Puis, aussi. Je peux pas te dire où je l'ai acheté parce que je l'ai acheté usagé. C'est pas grave, ça se trouve relativement facilement. Ça, j'en ai déjà trouvé. Mais il faut que je m'en achète une, il faut que je m'achète des panneaux, tout ça, parce que c'est vrai que ça fait une grosse différence quand tu prends des photos contrôlées là, dans un environnement de même. Ça donne un résultat qui est beaucoup plus intéressant. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal ça. Je me suis comme préparé, disons, à lancer 2019. Donc, j'ai réorganisé mes trucs physiquement et numériquement sur mon ordinateur, mon serveur. Donc, là, je suis prêt à... je lisais tantôt, petit aparté, je lisais les sujets, puis ça m'a fait penser que je cherche toujours un logiciel pour essayer d'organiser, parce que j'en parlais avec ma conjointe cette semaine, j'ai fait des copies de photos d'un endroit à l'autre pour avoir des copies de sauvegarde. Puis je me suis rendu compte que j'ai comme 28 000 fichiers, quelque chose. Mais là, elle me disait, ça serait le fun de pouvoir les regarder. Puis j'étais comme, ouais, vraiment, là, tu sais. Mais pas juste de pouvoir les regarder, mais de pouvoir les regarder, genre, en année. Tu sais, de partir de 2004, 2005, puis tout ça. Puis tu sais, Lightroom, est plus ou moins adapté. Si tu veux juste regarder des photos, c'est pas sûr. Non, pour regarder, non. C'est pas vraiment très bien mais adapté. C'est quand tu exportes, tu fais des dossiers, puis c'est tout. Ouais, mais il va tout falloir que je les réimporte pour les importe dans Lightroom pour les réexporter avec la date. Ça serait chiant un peu. Fait que, parce qu'ils sont pas dans Lightroom en ce moment. C'est juste des fichiers JPEG qui sont ailleurs. Oh. C'est ça. Fait que là, faut que je trouve un logiciel que je peux importer dedans, puis lui, il va m'y réinstaller correctement. Selon puis la j'ai date. J'ai trouvé quelque chose, je crois. Je vous en reparlerai plus tard. Oui, intéressant. Parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul à vouloir quelque chose du genre. Je vais en essayer deux, trois. Ben tiens, Sylvain, comment tu organises tes trucs, toi, en photo? Oh my God! Je te prends par surprise un peu, là, mais est-ce que non, ça t'arrive d'avoir des... gros dossier dans lequel tout est là, finalement. OK. Toutes tes photos sont dans un seul et même dossier. T'as ben, pas de sous-dossier. Ben en fait, il y a des sous-dossiers, c'est sûr, là, mais je pense que tout ce que j'ai pris depuis 5 ans avec ma Fuji, c'est 2 dossiers. OK. Mais tout est là, quand même. J'ai quand même, certains événements, quand je les ai copiés, ben j'ai les ai mis à part. Là. J'ai séparé des choses parce que, je voulais faire une expo. Puis, il y a un autre truc, disons les vacances. Je veux partager avec ceux avec qui j'étais en vacances, tout ça. Fait que c'est ça. Parfois, je fais ça, mais ouais, j'ai plus de logiciel dédié pour ça. J'utilise plus de logiciel dédié pour ça. OK. Je devrais peut-être. Ben, c'est ça qu'on se dit, honnêtement. Puis c'est pour ça que je vais en essayer. J'en ai un que je vais essayer, puis je vais en essayer 2-3 par cas aussi. J'ai vu beaucoup des trial versions. Je ne sais pas pour organiser là, à partir de, mettons, un méga dossier, puis là, si tu peux retrier ensuite. Mais tu regarderas du côté de AC/DC. Ben, tu vois, vite, j'ai fait des recherches. J'aime ça faire des recherches de même. Tu dis, c'est quoi les meilleurs logiciels que tu peux trouver? Puis il y a un site, il en propose une dizaine, puis AC/DC est le deuxième. Fait que c'est clair que je vais l'essayer aussi. Puis l'autre, c'est. J'avais déjà vu ce nom-là passer, qui est Cyberlink Photo Director 10. Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je l'ai déjà. Il y a une version d'essai. Je vais l'essayer. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais AC/DC, là. Je sais que lui, il a déjà fait le travail fait dans le temps, mais. Plus de 15 ans que j'utilise ce logiciel-là, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais. Ben, je l'ai déjà. Moi, c'est plutôt il y a 15 ans. Je l'utilisais, mais oui, je comprends. Mais là, disons que depuis 6-7 ans, il me sert plus de visionneuse à photo, à JPEG. Mais je sais qu'il y a des possibilités de catalogage pour renommer des fichiers en lot, pour faire des redimensionnements en lot, pour faire un paquet de trucs. Je m'en servais avant pour beaucoup de choses, là, avant de tomber avec, disons, Lightroom ou ces trucs-là. Tu regarderas, il y a quand même pas mal d'options. Regarde, je te dis, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a. Bon, parfait. On va faire des petites nouvelles rapides, puis après ça, on va retomber à Sylvain qui va nous parler de photos argentiques. Il y en a parlé un petit peu tantôt, mais là, je pense qu'on va avoir une petite discussion. On va être dans le vif du sujet. Oui, c'est ça. Côté nouvelles, Christian, tu nous parles de... Ben, ça revient un peu à la nouvelle que je vous ai parlé le dernier épisode, que Canon aurait des nouveaux appareils EOS R qui s'en vient. On aurait un de 100 mégapixels. J'avais parlé qu'il y aurait peut-être le 8K, mais finalement, c'est pas 100% sûr que les deux vont être dans le même appareil. Me semblait que c'était logique, mais semblerait-il que... Ben non, mais ils vont peut-être faire comme Panasonic, qu'il y en a qui s'est spécialisé pour la vidéo, puis il y en a peut-être pour la photo. C'est possible, plus, mais selon moi, je te dirais que c'est relativement sûr qu'il va avoir le 8K dans le 100 mégapixels pour une seule raison, c'est qu'il va avoir ce qu'il appelle l'IBIS ou la stabilisation à même du boîtier. IBIS pour In-Body Image Stabilization. Voilà. Alors, j'imagine que si tu fais ça dans ton appareil photo, tu veux qu'il y ait un capteur vidéo qui a de l'allure, ce qui ferait beaucoup de sens de mettre le 8K. Puis tu ne veux pas développer en même temps deux appareils photo assez gros, comment je pourrais dire, tu sais, des gammes... De haut niveau ouais, ou de haut de gamme. Ouais, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas ça qui va arriver, on ne sait pas, mais encore une fois, on parle de 2019-2020 là, pour ces appareils photo-là. Mm-hmm. Ça s'en vient. Mais l'autre chose qui m'a intéressé dans le même article, c'est que il y a quand même plusieurs objectifs qui s'en viennent pour cette gamme-là, pour cette année. On parle d'un 1635 mm à f2.8, un 24-70 à f2.8, un 70-200 à f2.8 stabilisé, un 105 à f1.4, un 85 à f1.8, un appareil macro puis un autre objectif non L. Fait qu'on s'entend qu'ils sont quand même assez agressifs pour une première année. Mm-hmm. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objectifs pour un an. Wow, OK. C'est... J'ai l'impression qu'ils ont... Ils ont... Ben là, ils ont dû se dire, oh, Nikon aussi lance un appareil. Ils avaient peur de reprendre de plus en plus de retard, j'ai l'impression. C'est là, ça. Je... Ils se sont dit, on y va. On n'a pas le choix. Plein gaz. Fait que si vous décidez d'aller pour le OSR, vous allez définitivement aller avoir beaucoup d'options, d'objectifs pour le futur. Puis en attendant, de toute façon, avec un adaptateur, exact. Les anciens objectifs fonctionnent déjà. Donc, voilà. Il n'y a déjà pas de problème, mais pour avoir... S'il vous manque des objectifs, ben, vous natif pourrez attendre. Natif est toujours mieux, pareil. Oui, natif est toujours mieux. Qu'on dise ce qu'on veut, pour les objectifs fonctionnent bien, puis tout ça, mais souvent, c'est peut-être le... c'est du côté de l'autofocus, oui. Des fois, qu'on en repère un petit peu. Là. C'est ça, exactement. Parfait, ben merci. Puis on passe d'un capteur de 100 mégapixels impressionnant à une carte mémoire 1 TB, j'ai oublié, j'ai un petit blanc de mémoire. Terabytes, oui, qui est sorti. Un teraoctet, oui. Teraoctet qui est sorti par Lexar. Donc c'est le premier. Il avait promis à peu près 2-3 ans, Lexar qui allait sortir, mais ils ont peu abandonné, fait faillite, ensuite, et ils ont été réacquis par des compagnies chinoises. Donc ils avaient arrêté un certain temps d'affaires. Donc c'est la première carte mémoire de 1 teraoctet. Octet, mm-hmm. qui est sur le marché depuis maintenant le début de l'année à peu près, et qui vaut 499 US, mais c'est B&H, ils le vendent à 399 US. Ouais, j'ai checké. C'est pas donc, si mal pour un teraoctet, carte... honnêtement, c'est pas trop pire. Pour une carte mémoire. Mais là, on parle carte mémoire, mais est-ce que c'est SD, Compact Flash? SD. SD. OK. SDXC. Le problème, je te dirais que c'est plutôt... c'est sa vitesse. Ouais. C'était là que c'était évident. Là, je veux dire, c'est 95 mégabits. Là, c'est bon, là, mégabytes. Oui, c'est bon, mais c'est pas... Ben, c'est ça. Ça sera pas comme une... C'est quoi? QXD? XQD? Ouais. J'inverse toujours. Ouais, mais c'est pas aussi rapide, évidemment, que celles qui sont dans les nouveaux Nikon Z6 et Z7. Puis c'est pas aussi vite non plus que le Compact Flash, je crois, à 95 mégabits, parce qu'ils font du 133 ou je sais pas trop. Je pense que même... 95, c'est quand même pas si mal. Oui, c'est quand même pas si mal. Là. C'est des bonnes cartes de mémoire. Puis pour ceux qui font du 4K, je pense que ça vaut définitivement la peine. Là. Et ceux qui... L'appareil Sharp qui va faire du 8K, ça va prendre... Ça. Mais pour vrai, là, tu vois, tu mentionnes ça, mais j'avais même pas pensé à ça. Mais t'imagines-tu quel... justement, qu'est-ce que ça va prendre comme support pour faire des vidéos en 8K? Ça va être aberrant, pour vrai, là. Oui. Ben moi, je vais faire un petit calcul rapide. 8K, on parle de 7680 par, c'est quoi, 2160 x 2, donc ouais. 5320. On dirait les chiffres et les lettres. Puis là, tu fais x 30 images secondes. Il faisait 60, d'ailleurs, juste pour que tu saches, là. Ben le 8K, il était à 60 images secondes. C'est compliqué. C'est plus compliqué. La norme à Hollywood. On parle de 2,45. Là, j'ai un exposant 9. Fait que, t'es mal parti, oui. Ouais, c'est trop gros. Ça pas bien. Donc, juste la résolution, une image, là, on parle de 40,8 millions de pixels. Donc, on est rendu presque à la résolution de mon A7 R2 pour une image. Oui. Tu t'imagines-tu? Là, tu fais x 60. Et hey, puis, c'est déjà long, moi, enregistrer une photo. Là. Je prends... Un RAW avec JPEG, ça prend à peu près 100 MB au total, la photo. Ouais, OK. C'est l'autre raison pourquoi on risque de ne pas voir ça. Un petit bout, non, j'ai l'impression. C'est ça. Ça fait, ouais, c'est très gros, très mais, lourd. Mais en même temps, je dis ça, mais je dis, regarde, là, tu sais, des cartes mémoire de 512 gigs, c'est relativement fréquent. Maintenant, tu n'as plus de misère à trouver ça tant que ça. Mais il y a pourtant, il y a même un an et demi, deux ans, c'était pas tant que ça. Je trouve que la courbe a augmenté rapidement. Là, ça, ouais. Mais moi, j'ai encore des 64 gigas. Pour le moment, ça fait le travail. Puis là, ben, pour la photo, là, je commence dans mes derniers spectacles. Là, souvent, j'essaie de me limiter, ouais. Mais j'ai toujours une carte et plus là, quand je prends mes photos. Mais c'est parce que c'est ça, à 100 mégas la photo, ouais. Ça fait comme 600 quelques photos, ta carte est pleine. Ouais, quand tu es là 5 heures de temps dans un spectacle, là, ça, oui, il y en a 7, 8, 900 photos des fois. Ouais, tu vois, ma Fuji, là, c'est ça qui faisait la T2, pourquoi je l'avais opté. Entre autres, j'aimais beaucoup les deux fentes. Là. Je trouvais ça vraiment génial. Puis là, quand une est pleine, tu passes à l'autre. Tu peux faire ça. Là, moi, pour moi, le moment, ce que je fais, moi, je mets les JPEG sur une puis les RAW sur l'autre. Ouais, OK. Puis, fait que de même, au moins, je m'évite un petit peu d'espace. Puis, je me dis, tu sais, un backup s'il y a un problème. Exact. Puis, je n'utilise presque plus jamais, honnêtement, les RAW. Ils sont tellement beaux, les JPEG avec la Fuji, que je m'en fiche un peu pour être bien frère. Fait que j'économise sur l'espace, disons. Bon. Bon, on va continuer dans les chiffres impressionnants. Moi, je vous parle d'une petite photo de Shanghai de 195 gigapixels. Donc, 180 000 mégapixels. 195 000, pardon, mégapixels. Vous irez voir, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode, évidemment. Vous pouvez zoomer n'importe où dans la photo et vous voyez les visages des gens, les plaques de voiture. C'est comme ça. Aucun sens. Reconnaître les personnes qui sont à 2-3 km, non, je ne sais plus c'est combien exactement. Mais... À peu près ça. Là. Non, mais peut-être pas 2-3 km, mais quand même. Ouais, un kilomètre, ça c'est sûr. Oui. La vue qu'on a, premièrement, c'est déjà comme une grosse portion de la ville. Puis là, tu peux zoomer dans d'une espèce de centre-ville. Il y a beaucoup de gratte-ciel. Puis là, tu peux zoomer dans les stationnements, près des arbres, puis là, tu vois les visages de tout le monde, puis c'est comme... Disons... Presque peur. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'était même pas ça, c'est que avec le temps, évidemment, plus ça va, plus on voit de choses, donc plus c'est difficile, en tout cas pour moi, de m'impressionner, là. Mais ça, j'ai fait comme... OK. Si c'est un seul cliché, ça, ben non, c'est plusieurs photos... Réunis, comme un peu comme j'ai oublié son nom, le photographe de Québec, ouais. Qui faisait ça aussi, mm-hmm. Avec le château Frontenac et compagnie. Lui, il se concentrait pas sur des gens, là. C'était un paysage, mais là tu vois un paquet de gens dans cette photo là, ou cette mosaïque de photos là. Donc on sait-tu qu'est-ce qui a pris ça? Dans le sens, c'est une compagnie ce que je voulais dire, c'est oui, ça, okay, j'avais vu, mais c'est c'est-tu plusieurs appareils photo en même temps? C'est-tu un combiné d'appareils photo? À ma connaissance, je m'en souviens bien, les photos étaient prises en 2 minutes à peu près, puis c'était plusieurs photos donc qui étaient jumelées ensemble, qui faisaient le 195 gigapixels. Mais quand on regarde la photo, le 2 minutes ne semble pas nécessairement paraître. C'est vrai que la température ne change pas nécessairement, puis que les personnes... C'est là que ma question allait là, parce que j'étais là. C'est parce que d'habitude, quand tu as des situations comme ça, tu as un petit peu de déformation de certaines personnes, des choses. Là, c'est assez impressionnant de ce côté-là aussi. Là. Non, malheureusement, en tout cas, moi, la source que j'ai prise, c'est Radio-Canada. Il n'y a pas de détails dans l'article. Non, c'est pas grave. C'est ma curiosité. Mais c'est l'entreprise Jingkun Technology. Donc, c'est très impressionnant, moi, je trouve, puis aussi, franchement. Là. Puis aussi, en même temps, avec la Chine qui a fait un nouveau système de notation, en quelque sorte, des personnes qui reconnaissent le bon comportement, le contrôle de la population. La ludification des comportements humains, c'est ça? Mais je pense pas que la ludification... Je dirais la black mirrorisation des comportements humains. C'est vraiment humains, comme l'épisode... Oui, vraiment. Je parle un peu par-dessus toi, mais c'est vraiment comme l'épisode de Black Mirror, mais... Mais enfin. Non, c'est impressionnant ce qu'ils réussissent à faire pareil. Oui. On va partir aussi de beaucoup, beaucoup de détails du numérique. On va s'en aller vers l'argentique. Mais juste avant, je vous rappelle d'aller nous donner une petite critique sur iTunes. Aller nous donner un 4-5 étoiles, nous laisser des commentaires. Et pour ceux qui nous écoutent à partir de l'une ou l'autre des plateformes, sachez qu'on est disponible. Nos épisodes se retrouvent sur Google Play, sur iTunes, sur TuneIn Radio, Spotify, Stitcher, et on est même diffusé à choc.ca. Oh donc, yeah! c'est difficile de ne pas nous trouver. Faut quasiment faire exprès. C'est ça. Donc voilà, et sur ces belles paroles, on retourne à Sylvain, qu'on a invité parce que Sylvain, t'avais partagé un truc sur ton Facebook qui disait carrément... Pourquoi tout le monde devrait posséder un appareil argentique? Et là, je voulais qu'on discute, pas qu'on débatte nécessairement, mais qu'on discute parce que je trouve le sujet fort intéressant et je sais que t'es, depuis quelques années, là, t'es vraiment redevenu un passionné d'argentique et puis... Oui, en fait, c'est ça, j'aime bien l'argentique, on le sait. J'aime partager des choses à ce sujet-là, puis c'est sûr que moi aussi, ça m'a touché ce sujet-là parce que ça fait partie aussi de mon processus de la dernière année, de ralentir un peu mon processus de prise de vue, et pas juste en argentique, parce que ma prise de vue argentique a affecté un peu ma façon de travailler en numérique aussi. Donc, tu n'auras pas besoin de la carte de 1 Tera là, dont on vient de parler. Non, vraiment pas, honnêtement. Ouais, c'est pas une mauvaise chose, loin de là. Oui, loin, oui. Parce que pour vrai, juste mini aparté, quand j'ai fait, je pense que c'est mon dernier contrat, où j'ai fait plus de 1100 ou 1200 photos, puis là, je devais revenir trier ça en 2-3 jours pour livrer ça au client après dans la semaine. J'ai dit non, là, c'est vraiment trop de clichés. Je suis 100% d'accord avec toi. Les sessions de photos de grossesse et de tout que j'ai faites, là, à 1500 photos en 2 jours, là, je me suis fait non. Donc, l'argentique aurait ça de bon. Déjà, au départ, tu te limites à un nombre fini d'images. Mais en fait, c'est sûr que tu peux t'apporter plusieurs rouleaux, puis ça peut être infini aussi, mais en même temps, c'est le processus lui-même fait en sorte que tu n'as pas le choix de ralentir. Comme tu ne vois pas ton image, tu essaies de t'assurer d'avoir tout correct avant d'appuyer. Oui. Donc, c'est sûr que tu réfléchis un petit peu plus à ton ouverture, à ce que tu veux comme effet, etc. Puis au cadrage aussi, à la composition, tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas dire « Ah, j'étais juste un petit peu trop à gauche, je vais la reprendre. » Parce que je ne sais pas vous autres, mais moi, ça m'arrive souvent sur mon numérique. Là, je commence à prendre des photos. Puis là, je regarde qu'est-ce que ça a l'air, tu sais, mettons, ouvert à 4. Là, je dis « Ah, je vais ouvrir encore un petit peu plus, aller chercher un petit peu plus de bokeh en arrière-plan, puis tout ça. » Puis là, tu sais, mais tu sais, j'y vais pas. Je le sais que ça donne à 4, je le sais que ça donne à 2.8 ou à 1.4, mais je l'essaye pareil, puis je regarde. Puis tu sais, c'est comme. C'est comme un processus où est-ce que tu prends avant, mais avant de commencer à vraiment prendre des vrais clichés. Mm-hmm. Fait que c'est ça, en argentique, ben là, faut que tu y penses, faut que tu prévois qu'est-ce que ça va avoir l'air parce que tu le vois pas tout de suite. Donc, ça ralentit le processus. L'autre chose que traitait cet article-là, c'est le problème lié à la perfection au niveau du numérique. Entre autres, parce que, bon, évidemment, le film, le grain, fait en sorte que ça apparaît moins précis. Les contours sont faits de petits points aléatoires, sont pas faits de pixels. Donc, tous les contours, ils nous apparaissent moins précis un peu. Mm-hmm. Et tandis que quand tu as un mauvais objectif ou un objectif légèrement plus flou en numérique, puis tu as un bon capteur, ben ça va paraître, là. Tu sais, ça va être flou. Donc, il y avait une certaine tolérance auparavant au degré de flou. Mm-hmm. Qui est complètement disparu maintenant. Le monde, c'est des... Ça l'obsède là-dessus. Moi, ça m'énerve solide là-dessus. Là. Mm. Oui, c'est épouvantable. Puis même moi, je me prends à ce jeu-là. Tu sais, dans mes photos, mes photos que j'ai faites à l'expo, c'est sûr que je le sais que mon petit bonhomme qui est à genoux devant le mémorial Imagine à New York, je le sais que sa tête n'est pas 100% précise. Le focus, il est légèrement off. Mais c'est-tu grave? Non, c'est ça. Temps, parce que tu racontes. Quand tu as une émotion, tu as une lumière, tu as le cadrage, quand tout est là, mais le focus, il est comme 3-4 cm off. Non, c'est-tu grave? C'est ça. Tu racontais une histoire, un moment. Donc, en autant que ton moment est là ou ton histoire est racontée, tu sais, est-ce que ça a besoin d'être 100% net? C'est vraiment pas, ça la priorité, là. Puis, c'est là où, en argentique, ben, ça pardonnerait un petit peu parce que ce 3-4 cm off-là tu le verrais pas tant que ça, étant donné que tu as du grain. Mm-hmm. Puis, en autant que le grain, lui, il est sharp, ben ça va être correct, ça va bien passer. Mm-hmm. Donc, on obsède beaucoup avec ça. Puis, avec tous les paramètres techniques, je me fais prendre au jeu moi-même quand je suis en numérique. Je regarde mon histogramme, puis j'ai-tu une bonne plage dynamique dans ce que je prends, puis là, ben j'ajuste, puis là, tu sais. Ça devient, on obsède avec ces choses-là, oui. Et parfois, on pense pas assez à ce qu'on prend en photo. Mm-hmm. On oublie le sujet souvent dans bien des cas, c'est ça. Oui, puis il y a un gars cette semaine dans un des groupes Facebook que je suis, qui, lui, s'est remis aussi à l'argentique, mais non seulement à l'argentique, au grand format. Donc, il s'est racheté une caméra 4 par 5 pouces, donc avec du film 4 par 5. Puis là, ben, c'est sûr que quand tu as ta caméra 4 par 5, ben, c'est un verre dépoli, puis tu vois l'image à l'envers. Mm-hmm. Donc là, il faut que tu prennes le temps de composer, puis tu regardes, puis tu sais, tout ça. Mais après ça, quand tu insères ton film dedans, tu vois plus l'image, tu sais, parce que là, c'est le film passe en avant de ton verre dépoli, mmh. Puis ta capsule de film passe en avant. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu es obligé de regarder ton modèle, si tu prends un modèle en photo, puis là, le faire bouger, puis faire placer comme il faut, puis là, tu t'assures que tout est là, parce que le film du 4x5, ça vaut un certain prix. Mmh. Fait que là, c'est sûr que ça te ralentit un peu. Mais moi, honnêtement, si, mettons, je prends des photos en numérique, puis j'ai 400-500 photos, puis dans le même temps, je prends des photos en argentique, puis j'ai un 36 poses. Au final, là, je vais avoir à peu près autant de bonnes images sur mon 36 poses argentique que sur mes 400 numériques. Oui, oui. Parce que, justement, j'ai pris le temps, j'ai cadré comme il faut, mm-hmm. J'ai tout ajusté. Fait que j'essaie de transposer ça maintenant. C'est pour ça que je disais, je prends moins de photos numériques, j'essaie d'en prendre moins, d'en prendre mieux. J'essaie de transposer ma mécanique argentique là-dedans. Mm-hmm. Non, c'est bien. Ça permet de développer justement des meilleures habitudes, là. Puis que la photo soit plus réfléchie, plus mieux pensée. Mais j'ai peut-être un peu l'impression que ça revient un peu à mode. On est la décroissance qui est un petit peu à la mode, mm-hmm. présentement, donc moins consommer, moins être occupé, ensuite vivre plus lentement. J'ai un peu l'impression qu'on est qu'on revient un petit peu en retour à ça. Puis comme j'ai parlé à l'épisode 134, alors que c'était avec un dîner avec des amis, justement, puis qu'il y avait la belle lumière dehors, puis que je voulais que la conversation finisse et tout. Une des deux avait dit qu'elle allait prendre des cours justement de photo argentique. C'est pas une fille qui est vraiment photographe, c'est pas une fille qui prend vraiment de photos avec son téléphone, mais elle était comme excitée de vouloir aller prendre des photos en argentique. Puis mon autre ami qui était là aussi, elle voulait comme embarquer. Donc je sais pas si c'est comme une mode qui revient, mmh. ou si c'est... Il y a un peu le côté mode, je pense, ouais. sincèrement. Là, il y a comme n'importe quoi, comme les vinyles qui ont vendu plus que les CD et des choses comme ça. Mais je suis pas sûr qu'il faut tout remettre ça de la même façon. Je pense que l'idée de vouloir ralentir, de vouloir prendre moins de photos est bonne. Moi, ce qui me tue un peu de l'argentique, c'est le fait qu'il faut tes faces développées. Oui. C'est plus là qui... Le fait que tu vois pas l'image chute me dérange pas tant, sincèrement. Non. C'est plutôt le fait de devoir les développer qui me... Moi, ça a toujours été ça. C'est le délai entre... Ou là, qu'il faut que tu te déplaces pour aller porter tes photos. Après, tu te déplaces pour aller chercher tes photos. Puis là, j'ai une voiture. Je veux dire, à l'époque, quand mon père faisait de la photo, puis lui, il faisait développer, il aurait pu aller porter mon film à la limite. J'avais pas d'auto. Mais là, j'en ai une. J'ai une voiture. Puis je trouve ça fastidieux. Je trouve ça compliqué d'aller porter un film pour le développer. Puis on est paresseux. On est paresseux, mais on est occupé. L'attente. Le thrill que tu vis quand tu attends. Puis, tu sais, moi, bon, je développe mon propre film noir et blanc. Il y a juste la couleur que je vais porter. Fait que quand c'est du négatif couleur, ben souvent, en même temps, je fais faire un tirage, tu sais, à bonne franquette. Fait que là, tu sais, c'est le fun d'aller chercher mon enveloppe de photos, m'asseoir dans mon auto, puis les regarder deux, trois fois avant de repartir avec mon auto. Ouais. Il y a il y a quelque chose de charmant là-dedans. Il y a quelque chose quand même de le fun dans le processus. Oui, oui. Sinon, en noir et blanc, moi, je suis équipé chez nous pour développer. Mais ça prend pas beaucoup d'équipement, puis c'est pas sorcier. Hein? Okay. Fait que, tu sais, moi, j'arrive des fois... comme cet été, je revenais d'une ride de vélo avec mon film, ben je m'en vais, je le mets dans la cuve. Tu sais, 30-40 minutes après, il est développé, puis je le mets à sécher, là, tu sais. Mmh. OK, intéressant. Mais, je me souviens, j'étudiais en cinéma au Cégep, puis en 2002, puis on faisait un film en Super 8 mm, donc en noir et blanc, puis la seule place qui développait dans le temps, c'était à Toronto, puis ça prenait quasiment un mois de recevoir. Oh. Puis... Ah oui. C'est sûr qu'il y avait un grand stress parce que c'était notre travail de fin de session, donc faire un film muet, noir et blanc, de 3 minutes et ainsi de suite. Mais quand même, c'était comme un certain suspense qui... Mm. Il semble que le suspense résout vraiment de quoi, tandis que oui. Ça fait partie du plaisir. C'est ça, du plaisir, de l'expérience. Puis c'est juste qu'il faut être dans le bon état d'esprit, justement, de se dire, OK, parfait, j'ai pris mes quelques clichés, je vais les porter, puis là... J'apprécie l'attente. Tu sais que les clichés que j'ai pris au photo walk n'ont jamais été développés. Ah non, moi non plus. Faut qu'on en refasse un parce que j'aimerais ça m'en réessayer. Pour de vrai, il faut que je me motive. Je t'écoute parler, là, puis j'ai le goût d'en faire de la photo pour le fun. Ça me donne le goût pour vrai. Là, moi, j'en ai parlé rapidement au dernier épisode. J'ai ressorti un objectif de mon père. Un Minolta, là, Sylvain, juste parce que tu n'étais pas au dernier épisode, mais c'est un 70-200 macro qui est F4, je crois. Donc, c'est ceux que tu tires ou tu pousses pour zoomer. Là. Puis, j'ai photographié un clavier, un synthétiseur ici, tout ça, puis ça a fait du vignettage, puis ça a rendu la photo sombre. Tu l'as peut-être vu, tu l'as vu passer, tu as commenté dessus. Puis, c'est ça, ça donnait un certain caractère à la photo. Puis après, quand j'ai pris ma photo... bien exposée, moins ouverte à F11. Là, c'était comme, OK, c'est un peu comme une photo numérique. Presque ennuyante. Mais presque ennuyante, tu sais. Ouais. Mais à F4, avec le vignettage, ça assombrissait la photo. Là, il y avait une espèce de caractère intéressant que je ne pouvais pas retrouver avec mes objectifs actuels. Puis je me suis dit, peut-être faudrait que je ressorte plus souvent ces vieux objectifs-là. Même mes autres... 28 ou 55, 56, là, je ne me souviens pas. Puis faire de la photo avec ces vieux objectifs-là qui n'ont pas d'autofocus, premièrement, mm-hmm. qui ont un rendu différent. Puis après ça, ben, le but ultime, c'est de ressortir le Minolta lui-même puis de faire un film complet parce que les deux tentatives que j'ai faites n'ont pas été fructueuses. La première, le film n'a jamais embobiné comme il faut. Puis la deuxième, le film est encore dans l'appareil. Ça fait quoi, 2 ans? Ça va faire 2 ans. Puis là, ça se peut que ça soit plus bon, tu sais. Il y a des bonnes chances. Non, mais ça se développe quand même, mais c'est ça. Avec le temps, quand ça fait longtemps qu'ils ont été pris, dépendamment du film, ben il y a du fogging qui se fait. Donc, ça devient légèrement plus flou, moins précis. OK, je pense que je vais aller faire pas, développer juste c'est pour pas le faire. C'est pas très grave, là. Ouais, ben ouais, il faudrait faire ça. Hein. Mais tu me donnes tellement le goût que j'ai mis dans mon panier d'Amazon. J'ai vu 3 films noir et blanc, puis je pense que je vais vraiment en acheter. En noir et blanc en plus. Ouais, ça me donne vraiment le goût pour Challenge de vrai. Challenge accepted. Là. Mm-hmm. Juste pour vous dire, il y a quelques places à Montréal qui développent le film, et il y a quelques places, je pense que c'est chez Borealis, il y a un dépôt de nuit, hein, tu finis de prendre tes photos, tu mets ça dans le dépôt de nuit le soir, puis... J'aime l'idée. Il les passe tout de suite le lendemain matin, puis tu vas les chercher dans la journée, là. Ah, oh, ça, j'aime c'est, ça. C'est honnêtement vraiment de la paresse, parce que moi, sans blague, il y a une pharmacie qui est à... Je te jure, probablement, genre 5 minutes de chez nous qui fait encore le développement de photos. Ouais. Fait que c'est honnêtement, là, je le sais pertinemment que ce n'est que de la paresse. Non, mais il y a une place aussi à Saint-Jean qui développe en noir et blanc. Il faudrait essayer. Oui, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais si jamais on fait un photo walk, Sylvain, je t'invite, puis ça serait vraiment intéressant. Puis ça va encore plus nous motiver à sortir nos appareils argentiques parce que là. On va être j'imagine que c'est juste avec ça que tu vas arriver. Tu n'arriveras même pas peut-être avec ton Fujifilm. Des fois, ouais, je l'apporte quand même souvent. Mais sinon, des fois, moi, c'est drôle, durant le temps des fêtes, à un moment donné, je me suis dit, ouais, j'ai-tu vraiment apporté 5 caméras avec moi pour... Oh boy! Mais tu sais, ouais. Puis je sais pas si je vous l'ai dit, mais l'été passé, je me suis acheté une caméra 8 par 10 pouces, donc du négatif 8 par 10 pouces. Mm-hmm. Donc une chambre. Wow. Une chambre photographique. Une chambre spacieuse. Hein? Une chambre spacieuse. Oui, quand même. Puis là, j'ai commandé du négatif pour ça. Puis, c'est pas donné. parce que, du 4 par 5, ça se trouve facilement. Mais du 8 par 10, il n'y a pas beaucoup de place au Canada qui en vendent encore. OK. Là. Fait que, juste pour vous donner une idée, 10 feuilles de portrait 400. De Kodak, c'est 170$ US. Ah! Oui, mais c'est parce qu'ils n'en font plus, de toute façon. Là, Kodak en fabrique plus? Ou... Ben oui. Ah, oui. Ils continuent à en faire, OK. Oui. C'est plus cher acheter 10 feuilles de portrait 400 que acheter 25 feuilles de noir et blanc Ilford, là. Okay. C'est extrêmement, extrêmement cher du couleur. Ouais. Et Fuji fait encore de la diapositive 8 par 10. Ah oui. Ouais. Et okay. Ça, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une diapositive 8 par 10, mais c'est incroyablement beau. Là. Ouais. Tu mets ça sur une table lumineuse, puis il n'y a rien de plus beau que ça. Ben, j'ai un panneau à DEL, ça fonctionne, ça, comme table lumineuse? Oui, tout à fait. C'est vrai. Tu sais, pourquoi pas? Mais OK, cool. Non, mais ils en vendent des tables lumineuses à Dell sur Amazon, oui. Mm-hmm. Ouais. Wow. Intéressant. Et donc, c'est ça, j'ai commandé mon film. Je l'ai reçu vendredi passé, donc je vais commencer à prendre des photos en 8 par 10. Je vous tiendrai au courant. Oui, absolument, tiens-nous au courant. Puis d'ailleurs, si jamais il y a une de tes photos avec la brume dont tu parlais en début d'épisode, ou tu sais, peu importe la photo, si tu veux en partager avec nous pour qu'on mette dans les notes et montrer aux auditeurs, ça serait intéressant. Bon, ben il nous reste le segment des suggestions de la semaine. Je ne sais pas, est-ce que tu as le temps de rester ou tu dois quitter ou c'est comme tu veux? Oui, ça va. Oui, OK. Bon, parfait. En vrai, comme tout le monde en parle, mon petit ça à la fin de l'entrevue. Ben, j'ai personne pour servir du vin, malheureusement. C'est toi qui servais la bière. C'est ça, je servais de la limonade. Bon, ben parfait, on va passer aux suggestions. Dans ce cas-là, Christian, t'as une photo, assez grand angle. Ben, disons oui. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre des photos de notre système solaire, mais de sa cour. Il reste à Sacramento, en Californie. Il a réussi à le faire, mais c'est avec quoi qu'il a réussi à faire ça? Ben, la photo est superbe, mais il a fait ça avec une Sony A7 II, une 60D, deux télescopes. Et en tout cas, son setting a l'air quand même assez complexe. Là, entendons-nous, là, c'est pas quelque chose de simple. Puis, tu sais, c'est sûr et certain aussi qu'on s'entend que c'est une superposition de plusieurs clichés pour réussir à faire ça. Là. Il a pas fait ça d'une photo directe comme ça. Mais je trouve pareil que ça fait un résultat intéressant malgré tout. Tu sais, on voit bien toutes les planètes du système solaire, etc. La Lune, qui a beaucoup, beaucoup de détails. C'est très joli, je trouve. Oui, c'est magnifique. Et pour avoir vu l'été dernier, j'en ai parlé, Saturne avec ses anneaux dans un télescope, quand tu le vois... pas en photo, mais de tes yeux, là, c'est une expérience. Magique, c'est vraiment magique. C'est le mot. le seul problème, c'est que plusieurs fins du monde, tes théories de la fin du monde, c'est l'alignement des planètes. Cette photo-là présente un alignement parfait. Oui, ça, j'avoue que oui. Hein, c'est un peu épeurant dans ce sens-là, mais non. C'est drôle. Mais Maxime, tu restes en Californie. Tu nous parles aussi de magie, de photos magiques. On reste en Californie, à peu près 250 km de la cour arrière du gars que tu viens de parler, avec un autre... je suis un expert en géographie. On pourrait partir un podcast. C'est bon, si parce que... Non, ça va aller. Donc, je pense que ça risque d'être relativement limité comme auditoire. Oui, parfait, avec les capitales du monde et tout. Jay Kumar, qui habite à San Francisco et qui a seulement 4434 abonnés sur Instagram et qui en mérite au moins 100 fois plus sans exagérer. Ah oui. Il prend plusieurs photos de San Francisco et de la Californie autour. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est les photos qu'il prend sur de vraiment très, très loin avec le Golden Gate, qui est avec la brume, avec des oiseaux, c'est du monde avec des tramways. J'ai mis une seule photo dans les suggestions, mais c'est une photo vraiment prise de loin qui dit que c'est vraiment difficile. C'est sûr que tu dois aider avec Photoshop, mais il faut qu'il soit aligné parfaitement, la personne, le gymnaste, ouais, la fille qui tient le ballon, et ainsi de suite. Il y a des belles photos. Il y a des photos avec des nuages et de la brume. Sylvain, t'aimerais sûrement ça. Ouais, c'est bon. Donc, je pourrais pas vraiment dire plus. C'est mieux que vous voyez par vous-même. Ouais, ouais. C'est intéressant comme démarche. Plutôt que de... Dans le fond, autant le sujet est la personne, la fille ou quoi que ce soit, mais en même temps, elle est tellement petite dans la photo en tant que telle. C'est intéressant. Mm. Maxime, t'en avais une deuxième suggestion Oui, maintenant, des rues de San Francisco, on passe à peu près à 8-9 000 kilomètres, mettons, plus à l'ouest. Sud-ouest, c'est à Taïwan, en Asie. Mm. C'est une photographe apparemment de renommée internationale qui est appelée Annie Wong, qui travaille beaucoup sur la place de la femme dans la société, dans son travail. Elle a eu un enfant en 2001. Donc, en 2001, elle était enceinte de son enfant. Son gars, elle s'est pris en photo elle-même enceinte avec son ventre qui est marqué dessus My Belly, dedans il y a mon fils, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est intéressant à son processus, mais c'est après, donc elle a pris une photo avec son fils à un an, puis elle a collé sur le mur derrière, c'est un portrait très simple, mais elle a collé derrière sa photo de elle enceinte en sous-vêtements. Puis depuis, à chaque année depuis 18 ans, elle prend tout le temps une photo, c'est comme une inscription. Donc, à chaque année, elle accroche la photo. La nouvelle photo derrière. Qui contient la photo avec son d'avant, fils. Qui contient la photo d'avant, etc. etc. Donc, ça, on voit tout le temps le vieillissement de la des personnes, puis on voit tout le temps l'ancienne photo en arrière. Donc, ça fait vraiment un. Comme quand j'arrive au gym devant les miroirs, la salle de bain. Le miroir devant le miroir, là. Mm-hmm. Yeah. Donc, intéressant. C'est pas super bien expliqué, mais c'est super beau à voir, super bien. Super beau processus, c'est simple, mais c'est génial. Mm-hmm. Et Sylvain, je t'ai envoyé le lien aussi dans Skype, si tu veux voir. Super. Donc, de toute façon, tu pourras toujours faire comme nos auditeurs et aller voir les notes d'épisode. On va avoir tous les liens. Tous les liens. Et un paquet de photos aussi. Moi, il n'y aura pas de photos de ce que j'ai fait depuis le dernier épisode parce que j'en ai pas vraiment fait, mais... Peut-être que je mettrai une photo de mon panneau ADEL ou quelque chose comme ça. Ben oui, bonne idée. Une photo de ma librairie Lightroom. Ça rend notre podcast un peu pas multimédia, interactif, ou je sais pas trop quoi, où le monde peut décider d'aller voir ou s'imaginer eux autres mêmes qu'est-ce qu'on parle. Oui, c'est donc, ça. Donc ça rend notre podcast multimédia, interactif. Ah, mais moi je dis que d'ici la fin de 2019, là, quelque part cette année... On va peut-être avoir un petit aspect vidéo, ou en tout cas, il va y avoir des petits changements que j'annonce. Je vous l'annonce comme ça. Vous n'êtes pas au courant, je suis scandaleux. Je sais que vous êtes pas au courant. J'abandonne drette là. C'était pour le sens du suspense ou du drame. Donc restez là, vous allez peut-être voir à la prochaine épisode. Non, ben on fera pas de live vidéo, parce que comme une bonne partie aussi de notre auditoire est située en France, il devrait... nous regarder à 2h du mat, je suis pas sûr que ça serait super intéressant, mais il va y avoir peut-être quelque chose qui va démarrer au cours de l'année. Cool. Sur cette note de suspense. Donc on va être obligé d'être habillé maintenant, c'est ça que tu nous dis? Oui, c'est ça. Okay. Tout le monde, mettez vos pantalons. Allô, Sylvain? qui voit juste moi, finalement. Juste toi sans pantalon. Juste ton pas de pantalon. Juste mon pas de pantalon. Ben écoute, merci Sylvain d'avoir participé pour une deuxième fois à l'émission. Hey, merci. Puis je vais vous faire une suggestion moi aussi. Oui. Si ça vous tente, un groupe Facebook qui s'appelle Film Photographers. Oh. Cherchez ça, puis il y a vraiment du bon stock qui passe là-dessus. Parfait. Ben en fait, je vais te demander de me l'envoyer par Messenger. Déjà ajouté. Puis Christian l'a déjà ajouté. Fait que moi aussi, live. Dans les notes d'épisode. Moi, je suis occupé à animer une émission, messieurs, donc un peu d'indulgence. C'est juste pas capable de faire deux choses en même temps, on c'est le sait. C'est ça. Parce que j'aime faire les choses bien. Donc, oh boy! Ben voilà, ben c'est parfait. On va mettre ça aussi dans les notes d'épisode. Merci beaucoup. C'est fort intéressant. Moi, c'est sûr que je vais aussi m'abonner dès que je pourrai faire autre chose qu'animer une émission. puis, ben écoute, si jamais tu as d'autres sujets de discussion, des trucs comme ça, ou même si tu veux envoyer des suggestions, ou si tu veux revenir participer à l'émission, tu es toujours le bienvenu. Ça nous fait plaisir. Ben, c'est très gentil, les amis. Et merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, Maxime. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. Et je ne l'ai pas dit au dernier épisode, mais vous pouvez nous suivre sur Instagram. Oh! Yeah! Ah, quel oubli! Christian, vous pouvez le suivre à Sicna, S-I-C-N-A. Maxime à Xim souligné Soriol, donc X-I-M souligné Soriol. Et de mon côté, S-Vai Photo, S-V-A-I Photo. Toi, Sylvain, est-ce que tu es sur Instagram? Oui, c'est S Grand Maison. Bon, parfait. Donc, voilà, on vous invite à nous suivre sur Instagram. Et comme je le disais plus tôt, laissez-nous une petite note sur iTunes. Ça nous aide à monter dans les palmarès et à nous faire découvrir par d'autres auditeurs. Donc, ça nous encourage de voir les chiffres. Ça monte tranquillement toujours, toujours de nouveaux auditeurs d'un épisode à l'autre. Mmh. Et voilà, donc vous pouvez vous abonner... peu importe la plateforme, Google Play, iTunes, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher, et voilà. Alors, d'ici au prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!